France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 126. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 22 juin 2008, 11h07. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es cadavre exquis ou cantatrice chauve, tu es syllogisme foireux, tu es kafkaïen, tu es 35 heures pour Xavier Bertrand, tu es la peau de l'ours avant de l'avoir vendue, et tu es aussi... Le n'importe quoi, donc, est un sport de compétition qui consiste à faire n'importe quoi. Ça peut vraiment aller dans tous les sens, donc on peut être considéré comme un des dingues, effectivement, mais nous sommes des doux dingues. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu es absurde et tu attends Godot. Alors, ce matin, nous t'embarquons dans l'ultime épisode de notre troisième saison. Au fil de ces trois années, nous avons voulu t'offrir un panorama de notre monde foutraque, au cœur duquel se trouve l'absurde que nous chérissons. Eh bien, avant que la panique au Mangin Palace ne fasse peau neuve à la rentrée, nous avons décidé cette semaine, durant 53 minutes, de célébrer le grand n'importe nawak. Et pour commencer notre dissection de l'insensé, du Burois à Dada, nous chercherons à savoir comment l'absurde a bien pu apparaître au cœur de la sombre et sévère condition humaine. Ensuite, nous tenterons de te démontrer que l'illogisme peut être salvateur dans ta vie quotidienne. Et dans la foulée, justement, grâce au génie saugrenu mais nécessaire de Monsieur Cyclopède, nous constaterons combien l'absurdité peut devenir un remède à l'ennui d'un mariage trop installé. Et puis, nous te prouverons que depuis le 6 mai 2007, qu'on le veuille ou non, nous sommes entrés dans The Twilight Zone, enfin, la quatrième dimension, quoi. Et enfin, en exclusivité mondiale, vers 11h40, Monique et Jean-Claude seront en direct avec nous pour la première fois. Ils sont déjà là, ils viennent d'arriver en plateau pour une interview totalement absurde, bien sûr. Allez, c'est parti. C'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et fais ton charlot. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went oof. If they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Raise them up, hold that thought, I got a vision, it's intense. I wanna globe, I can bounce off of people's heads. And when the earth starts shaking, people will commence in a laughter without one word being said. Does anybody here wanna hear my voice? The golden joy. He kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time. Yeah. Modern Times, la chanson des temps modernes de Chaplin, revisitée par le rappeur californien G5, un mélange foutraque, bien loin d'être n'importe quoi, contrairement à certaines rumeurs de transfert médiatique. Interactualité, édition du soir, Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'affranchir des carcans du bon sens pour aller explorer les méandres de l'aberrant, du farfelu et du saugrenu dans une improbable quête de l'absurde, bien sûr. Et pour commencer notre réflexion, nous nous sommes posé cette grave question. Quelles sont les conditions favorables à l'apparition de l'absurde au cœur de la condition humaine si sombre et si sévère? Tout d'abord, tu le sais bien, certaines situations rendent l'être humain réceptif à l'absurde. Tiens, par exemple, une soirée un peu arrosée entre potes, eh bien, ça peut pousser à l'absurde. En vérité, je vous le dis, avant la fin de cette nuit, l'un de vous me reniera trois fois. Seigneur, comment peux-tu croire que l'un de nous pourrait te trahir? Tous ici, nous sommes prêts à te suivre jusque dans la mort. Oui. Est-ce que tout le monde prendra de la soupe? Laisse-nous, nous avons à parler. C'est peut-être notre dernier repas. Et moi, ma première commande. Une toute petite question et je vous laisse. Est-ce que je fais une addition pour les 13 ou est-ce que chacun paie sa part? Je vous en prie. Sortez, laissez-nous. Très bien, je vous laisse. Oui, je vous entends. Et pourtant, je vous le dis, l'un d'entre vous m'a déjà trahi aujourd'hui. Qui cela peut-il être? Judas! Est-ce que vous prenez une boisson? Je vous recommande le vin chaud épicé, il est divin. Non! Laissez-nous tranquilles. Très bien. Oh, Seigneur. Oui. Quoi? Oui. D'où Jésus? Quoi? Oui. Quoi? Mais c'est vous qui avez dit quoi? Quoi? Non, rien. Eh oui. D'où Jésus, l'absurde apparaît parfois dans notre quotidien. Et il n'est pas nécessaire de relire tout Schopenhauer pour comprendre l'absurdité de l'existence humaine. D'ailleurs, chaque jour, tu peux t'en rendre compte, surtout quand il n'y a plus de papier, comme te l'expliquait Antonin Artaud. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Le caca, mais également Franz Kafka, peuvent donc être les symboles de l'absurdité de notre condition humaine, surtout quand, d'un être de chair et de caca, l'on se métamorphose en un insecte de carapace et de caca. Et ça, une fois que tu l'as bien compris, eh bien, tu vas mieux. Je vais mieux, beaucoup mieux. Je me sens vraiment mieux. Il m'arrive quelquefois de ne pas parler de toi. Je vais mieux, beaucoup mieux. Je suis moi. Être heureux, c'est sans doute l'absurde chimère de l'être humain. Toutefois, il est possible de trouver certains plaisirs à la vie si l'on est doté de l'essentiel pour être heureux. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodue. la mère Ubu. Alfred Jarry et son père Ubu, évidemment influencés par le conte de Lautréamont et son mal d'aurore, utilisent l'absurde pour montrer aux bourgeois bien-pensants leur propre absurdité. Ou alors, il faut monter à dada sur ces grands chevaux tels Tristan Tzara qui manifeste. J'écris un manifeste et je ne veux rien. Je suis par principe contre les manifestes, comme je suis contre les principes. J'écris ce manifeste pour montrer qu'on peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule fraîche respiration. Dada ne signifie rien. Nous ne reconnaissons aucune théorie. Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale. Liberté. Dada ! Dada ! Dada ! Eh oui, qu'est-ce qui, dans ce monde, est le plus illogique ? Est-ce l'urinoir de Duchamp qui choquait les bien-pensants ? Ou est-ce la boucherie de la Première Guerre mondiale soutenue par ceux-là même qui trouvaient absurde l'urinoir de Duchamp ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus illogique ? Est-ce le discours de Jean Ziegler qui fustige les institutions mondiales qui affament les plus pauvres de la planète ? Ou est-ce ce capitalisme libéral que l'on nous dit être le plus logique des systèmes économiques ? Tu connais ce truc, vos abdos en 8 minutes ? Ouais, bien sûr, vos abdos en 8 minutes, ouais, la cassette de gym. Hein. Ouais, ben mon idée, ça va la mettre au rancard, ça va casser la baraque, je te dis. C'est vos abdos en 7 minutes. D'accord. Ouais. Ah, je vois. D'accord, je vois où tu veux en venir. Imagine, tu entres dans un magasin vidéo et tu vois vos abdos en 8 minutes devant toi. Et il y a ouais. vos abdos en 7 minutes sur le même rayon. Laquelle ouais. tu vas prendre, mon vieux ? Je vais prendre la 7 minutes. Ouais, je vais prendre la Bingo, 7. Bingo, mon vieux, bien joué ! Vos abdos en 7 minutes. Et on garantit qu'on a le même résultat qu'avec vos abdos en 8 minutes. Tu le garantis, hein ? Ouais. Et comment tu le garantis, ça ? Et si t'es pas entièrement satisfait des 7 premières minutes, on s'engage à t'envoyer la 8e minute. Gratuit. Tu vois, c'est ça, c'est notre devise commerciale, c'est comme ça qu'on conçoit le business, et voilà, la boucle est bouclée. C'est super, ouais, t'as raison. Ouais, sauf bien sûr, si un mec débarque avec vos abdos en 6 minutes, alors là, t'es mal, hein. Ah ben oui, hein, prenez la concurrence à tout va comme parangon de l'économie, ça, la Banque mondiale, l'OMC et le FMI, ça ne les dérange pas parce que les pauvres, de toute façon, ils se plaignent tout le temps, et c'est absurde, puisque chacun sait qu'avec l'argent... Il y a des hauts, des bas, des hauts, de drôles de débats et de la démago. Il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts. Et la France d'en bas. Et la France d'en haut. Celle dit des bourgeois. Celle dit des prolos. Les petits fils à papa et les cadres sociaux. Il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Il y a les sans-papiers, les sans sous les sans sur les sans-pitié. Il y a les femmes seules et les prisonniers. Il y a les infirmières et les gars du chantier. Il y a les ouf, les oives, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà. Oui, me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter. Ça se passe ici bas où il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Fier comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la rime qui redonne l'espoir quand la vie abîme. Il paraît qu'on ne vit qu'une fois. J'ignore tellement de choses, mais pas celle-là. Y'a pas de sous-métier. Y'en a quand même de très mal payés. L'insécurité est une grande vedette de la télé. Y'a des tonnes. Perdu dans la foule, t'es réfugié dans le son, ma chenouf, ma gamme, ma plus c'est l'addiction. Et voici que me voilà, où me voici, c'est moi que v'là. Je peux chanter, parler de tout ça, quand tout ça se passe ici-bas. Où il y a des hauts, des bas et des hauts. Rodeo Boulevard. C'est celui que parcourt Anis sur son dernier album, parce que Anis, il rôde dans le théâtre de boulevard, alors Canus, c'est dans le théâtre de l'absurde. L'amour avec toi, c'est kafkaïen, y a pas à dire. Hein ? Merci. Alors maintenant, la clepsydre électronique du Mangin Palace nous annonce qu'il est à présent 11h22 et après avoir constaté combien l'insensé peut ponctuer la condition humaine, il est temps désormais, durant quelques minutes, de recenser l'utilité des absurdités de notre banale existence. Oui, mon ami, en vérité, je te le dis, l'illogisme squatte avec bonheur ton quotidien. Vois-tu, dans son infinie bonté, Dieu le Père a doté l'humanité du langage parlé afin d'offrir du sens aux propos des hommes. Seulement voilà, la langue évolue puisque nous en détournons régulièrement les règles, jusqu'à ce qu'elle en devienne parfois même absurde pour certains. Lorsque ton môme, par exemple, te balance un truc du genre « Hé, lieuv, tu me fais tiep », il faut être un initié pour saisir qu'en réalité, il veut te dire « Hé, papa, tu me fais de la peine ». Oui, le verlan est un langage a priori absurde, car en effet, il dissimule toujours un sens. Bien entendu, certains voudraient immédiatement le codifier pour le figer et ensuite se l'approprier. Mais comment peut-on imaginer qu'il y ait une grammaire officielle du verlan? La vertu du verlan, c'est d'évoluer justement, car son apparente et sympathique absurdité ne peut tenir que s'il n'est pas totalement codifié. D'ailleurs, pour celles et ceux qui désirent s'amuser avec l'absurdité d'un langage, il est absolument nécessaire de s'émanciper de toutes les contraintes langagières codifiées. C'est pas ce que vous croyez. Un film de Peter Becherel. Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été. C'est pas ce que vous croyez. Le premier film qu'avec des fautes de grammaire. Elle est mourue étranglée avec une corde. Vous aurez pu la tuer. Je voyais pas comment. Je m'ai endormi. C'est pas ce que vous croyez. Le film qu'il faut aller avoir vu avec John Syntax et Peter Faute d'accord. C'est pas ce que vous croyez. Plus de 500 fautes de conjugaison en 2 heures. Bientôt voyable au cinéma. Donc, en premier lieu, l'absurdité au quotidien peut être ludique, et tant mieux. Mais pas que, car figure-toi que l'absurdité peut également se mettre au service de l'esthétique. Eh bien, à Tokyo, un salon de beauté dentaire vient d'ouvrir ses portes. Détail insolite, il offre à ses clientes un choix de teintes pour les dents qui leur permettra de sourire en rose, bleu, perle ou transparent. Le directeur de ce salon a expliqué que les dents roses conviendront aux jeunes filles, tandis que les bleues seront choisies de préférence par celles qui fréquentent les cabarets. Un apprêt transparent exaltera la beauté des dents blanches. Quant aux dames qui voudraient voir leurs dents perdre une teinte jaune qui leur déplaît, eh bien elles choisiront opportunément une nuance perle. Mesdames, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez ? Eh bien, qu'il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir de manière absurde, aurait sans doute répondu Anatole France. Quant à Laurence Derel, il aurait ajouté que nous cherchons tous des motifs rationnels de croire à l'absurde, y compris jusque dans ta propre cuisine. Le mixeur est enragé, les légumes sont en danger, il avale sans regarder, et tout ça rien que pour cracher. Les carottes sont-elles cuites ? Non ! Légumes ! À ceux qui veulent la guerre. Légumane, personnage burlesque du génial Téléchat, inventé par le non moins génial Roland Topor, créateur loufoque et protagoniste des Papous dans la tête, qui nous démontre ici que l'absurdité peut également devenir l'occasion d'une poésie farfelue, indispensable et salvatrice. Légumane, super-héros, protecteur des légumes en danger, vive le n'importe quoi. D'ailleurs, on regrette grave l'époque où la téloche nous refourguait de l'absurde à dose homéopathique, parce qu'ainsi, elle nous offrait un puits de réflexion sans fond. Le Shadok malade de la tête est allé se faire psychodomiser. Descendu au plus profond de sa plomberie intime, À la recherche de son moi, il est tombé dans le gouffre de la libido. La libido, qu'il ne faut pas confondre avec un autre trou qu'on trouve plus couramment chez les téléspectateurs perspicaces, la libido. Généralement remplie, hélas, de honteuses poupées gonflables et de graffitis obscènes. Chez les Shadok, rien de tout ça. La libido Shadok était déserte et vide. Un vent de non-plaisir soufflait sur un triste océan de non-jouissance. Et quoique de proportions gigantesques, elle était désespérément vierge de toute pensée et de tout projet un tant soit peu salace. Tu me diras, choisir aujourd'hui Julien Courbet pour produire le 19h tous les jours sur France 2 à la rentrée, c'est sans aucun doute que la télévision publique nous prouve combien elle entretient sa passion pour l'absurdité. Cela dit, dans un registre cousin, l'absurdité permet parfois de rendre les escrocs sympathiques. Pierre Larosic, une nouvelle de Nancy. Le gang des nains vient de lancer une nouvelle offensive dans les faubourgs de Nancy. Oui, on appelle en effet gang des nains des voleurs qui se font remarquer à la fois par leur agilité, leur manque de scrupules bien sûr puisqu'ils sont voleurs, et leur petite taille, puisqu'ils réussissent à se faufiler entre des barreaux, à se glisser par des cheminées et à entrer par des vasistas qui normalement ne devraient laisser passer qu'un chat. 5 commerçants de la banlieue de Nancy ont fait les frais de cette nouvelle offensive et je me permets de vous signaler que si vous allez à Nancy et que si vous mesurez moins d'1m50, eh bien les policiers de la ville risquent de vous regarder d'un œil soupçonneux. Alors attention. Vois-tu, en l'occurrence, l'absurdité du gang des nains ne les rend point ridicules, au contraire. Mais il faut se méfier. C'est une alchimie particulière, car si l'absurdité n'a jamais tué personne, il arrive néanmoins qu'elle puisse faire de toi un gros nigaud. Un match maudit ce soir. Oui, mais je crois que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est de la fierté. Pour moi, cette équipe, elle a de l'avenir, elle a construit quelque chose, elle a montré quelque chose. C'est dommage parce que les circonstances aujourd'hui, vraiment, tout était contre nous. L'avenir sera avec vous. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission? Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est... J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande, vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Bah merci Raymond, suis sûr que c'est un moment qui la marquera aussi négativement, sportivement que positivement dans votre vie. Je fais n'importe nawak, tu fais n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu fais n'importe nawak. Je fais n'importe quoi, tout le temps, tu fais n'importe nawak. Je fais n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certes, le grotesque n'est pas l'absurde. Mais dans la perspective qu'Estelle Denis accepte malgré tout d'épouser Raymond Domenech, nous avons souhaité ce matin, par l'intermédiaire de M. Cyclopède, offrir à Raymond et à Estelle quelques conseils essentiels et absurdes justement afin d'assurer la survie de leur hypothétique mariage. Car figure-toi que l'absurdité peut également devenir le remède à l'ennui du couple. On découvre cela juste après le jingle. Estelle et Raymond, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Il peut arriver que l'élu de notre cœur, pour peu qu'elle ait été élevée dans la religion, ou qu'elle ait oublié sa pilule, et quelquefois les deux, se refuse avec ostentation à livrer son corps pulpeux aux caresses insensées de la main du désir que la morale réprouve en dehors des liens sacrés du mariage. Je me refuse avec ostentation à livrer mon corps pulpeux aux caresses insensées de la main du désir que la morale réprouve en dehors des liens sacrés du mariage. Rien n'est pourtant plus simple que de faire succomber la bougresse à l'impétuosité pétaradante de notre fringant amour. Il suffit en effet de jouer avec elle à « Prends-mi et prends-moi, sont dans un bateau », un jeu infiniment subtil dont la paternité m'échoit. Prends-mi et prends-moi sont dans un bateau. Prends-mi tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui reste? Prends-mi. Étonnant, non? Pour tuer le temps en attendant la mort, de nombreuses personnes jouent à pince-mi et pince-moi avec l'être cher. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Pince-moi. Ah. Malheureusement, il arrive que quand on a joué pendant plusieurs heures d'affilée à Pince-mi et Pince-moi, une certaine lassitude apparaisse chez l'un des joueurs. Ou même chez les deux. C'est pourquoi j'ai inventé une variante très amusante à ce jeu. Regardez bien. Ce jeu s'appelle Bombarde-mi et Bombarde-moi. Il se joue ainsi. Bombarde-mi et Bombarde-moi sont dans un bateau. Bombarde-mi tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Bombarde-moi? Étonnant, non? We bomb against each other in a bag of rocks, but what do we find? The times are getting rough, and you can feel that hate is all around. I think we'd rather take our leave, me on an island, you in the wood. There's all the space and all the food. I saw a man whose burden had him crushed against the pavement, Lord. Passed his body in mine and crossed his body like he was no more. I'll never ever walk again, he said. 'Cause when you do, then you can't trust me. There's always something that will make you fail, but with a dream or two, and we would start again as if the things that we believed in were true. A dream or two, and we will smile again as if the things that we've been promised would come soon. A dream or two. Autrement dit, un rêve ou deux, c'est ce que nous propose François Morin, alias FM. Parce que bien souvent, face à l'implacable logique de notre monde, ce que l'on peut faire de moins absurde, c'est de rêver. I have a dream today. Il est incroyable ce Barack Obama. Alors ce matin, à 11h34, et toujours en direct du Mansion Palace, la panique a décidé de te dévoiler maintenant une réalité très différente de celle que nous pensons vivre au quotidien. En effet, tout a basculé il y a quelques mois, enfin plus précisément le 6 mai 2007, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Car ce jour-là, notre réalité a profondément changé. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension. En effet, nous nous étions déjà tous aperçus que nous étions entrés dans une autre dimension quand nous avions entendu Nicolas Sarkozy prendre comme référence Léon Blum, Jean Jaurès et Guy Môquet. Mais dans cette quatrième dimension, Nicolas a avoué à son conseiller Claude Guéant que ceux qui l'inspirent ne sont pas seulement de gauche. Je vois des gens qui sont morts. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils? Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Il y en a partout. Ainsi, nous sommes donc entrés dans la quatrième dimension, le seul endroit où, pour augmenter le pouvoir d'achat des plus modestes, on offre aux plus riches un gros paquet fiscal. Quel terrible en France! C'est fou! Mais qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer un beefsteak! Ils ont qu'à acheter du poisson! Eh oui, ça rigole bien dans la quatrième dimension, un monde merveilleux où les grands patrons peuvent être à la fois marchands d'armes, écotiers et amis reconnaissants du président. Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Et ils sont bien présents dans la quatrième dimension, les grands patrons. Alors, y a-t-il d'autres preuves que nous ayons changé d'espace-temps? Eh bien, par exemple, dans un monde réel, les livres qui sortiraient sur le président ne s'intituleraient pas « Nicolas et les femmes », non. Dans un monde réel, un conseiller aurait prévenu le président que sa fonction impose un peu de discrétion. Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul. c'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. Hein? Oui. Ouais, mais bouiche, bouiche. Il m'a déjà dit bouiche et puis... D'accord. Oui. Bah ouais, mais... Ben ouais, mais... Mais pour ceux qui douteraient encore que nous nous trouvons bien dans la quatrième dimension, voici une preuve irréfutable. Dans un monde réel, parlerait-on d'objectifs chiffrés de reconduite à la frontière? Indécent. Et serait-ce le même ministre qui serait chargé de l'intégration et des expulsions? Tout un programme. Comment reconnaissez-vous la racaille, monsieur Javert? C'est bien simple. Il y a d'une part les honnêtes gens, les gens établis, et d'autre part ceux qui n'ont ni travail, ni famille, ni domicile fixe. Les premiers forment la société et respectent la loi, les autres ne respectent rien et attaquent tout. Mon devoir est de défendre les premiers contre les seconds. C'est pas bien difficile. C'est aussi facile. Alors, bien entendu, c'est facile de critiquer les ministres, vont aussitôt dire les gens de bon sens, pour qui l'absurde est tout simplement absurde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un ministre pour qui l'entrée au gouvernement, ça a été la quatrième dimension. Oui, c'est vrai, Rachida, elle ne s'attendait pas à tout ça. Je dirais simplement que j'ai rencontré des êtres de lumière. Est-ce des anges? Est-ce des êtres plus évolués, des guides spirituels, hein, ou des êtres simplement plus évolués qui étaient là? Je n'en sais rien. Tous les témoins font le même récit et parcourent le même chemin pour arriver jusqu'à ces êtres de lumière. Ils ont d'abord l'étrange sensation de sortir de leur corps, puis d'être projetés dans un tunnel noir. Et puis, j'ai commencé à flotter et j'ai débouché dans un espèce de trou noir. Tout était noir. Je montais au milieu, au centre, et à une vitesse vertigineuse. Et puis là, j'ai eu un moment d'angoisse, parce que j'étais dans le noir. Et j'ai levé la tête, j'ai vu un point lumineux, et je me suis dirigée vers ce point de plus en plus rapidement. Et plus je montais vers ce point grandissait, plus la lumière s'ouvrait. Eh oui, décider de voir la lumière quand il n'y en a pas, c'est un des avantages de la quatrième dimension. Tiens, ainsi... Toi qui te plains du prix des carburants, tu n'as qu'à faire comme notre charmant ministre du budget, le fringant Eric Woerth. L'essence augmente, l'essence a encore augmenté. Oh, hé, vous y mettez un peu du vôtre, hein? Au lieu d'acheter des 25 et 30 litres, vous n'avez qu'à faire comme moi, vous n'avez qu'à en prendre pour 100 francs. Moi, ça fait des années que j'en prends pour 100 francs, j'ai toujours payé le même prix. Eh oui! Quand on est ministre du budget ou ministre des finances dans la quatrième dimension, tout va bien, le pouvoir d'achat augmente et l'inflation reste stable. Et puis, dans un monde réel, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, tiendrait un discours pas très à la mode. Honorables membres de cette prestigieuse Assemblée, écoutez-moi. Allons-nous continuer à bâtir des palais de plus en plus grands pour les riches? Ou allons-nous viser des buts à la fois plus nobles et plus humains et bâtir des logements décents pour les pauvres? Quelle solution adoptez-vous? Au chat les pauvres! Bien. Bien, au moins c'est clair, mais ça, on l'avait tous compris. Alors, je vois venir les tenants de la réalité qui réfutent cette hypothèse que nous serions entrés dans la quatrième dimension. Ils vont dire, bien sûr, que les réformes sont nécessaires et qu'il faut réformer, tout réformer, sans cesse réformer. Oui, mais à ce train-là, Nicolas va finir par suivre les idées de Carla. Tu sais, je trouve qu'on fait pas assez de viande sur des bâtonnets. Non, sérieux, je veux dire, si tu réfléchis, il y a plein de choses sucrées, c'est pas vrai? On fait des sucettes au caramel, on fait des glaces à l'eau, on fait des esquimaux, puis des sucettes, mais on fait pas tellement de viande sur des bâtonnets. Oui, il y a pas tellement de viande sur des bâtonnets. Non, pratiquement pas. Tu sais ce que j'aimerais? Je voudrais qu'on fasse plus de viande dans des cornets. On a encore jamais fait ça. Ouais, ça, c'est pas bête. C'est une idée qui, à mon avis, va faire un malheur. Tu sais, un cornet en gaufrette, un vrai cornet, bien gigantesque, rempli à bord de morceaux de foie. Exactement. On a des tas de choses en commun. Ah, avoir l'ambition en commun, c'est merveilleux. Mais attention, hein, parce que, comme Henri Monnier le faisait dire à son monsieur prud'homme, c'est l'ambition qui perd les hommes. Et si Napoléon était resté officier d'artillerie, il serait encore sur le trône. Une morale que Jacques Chirac a bien comprise d'ailleurs, surtout depuis qu'il a acquis une nouvelle dimension. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe. française. Marie-Berthe, elle est experte par l'entremise de sa tante Artémise. Le téléphone, c'est celui qui sonnait en 1967 pour Nino Ferrer, alors qu'aujourd'hui certains nous disent que le portable qui sonne serait cancérigène. Absurde, répond l'Académie de médecine. Mouais. Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifiée, ça ne veut pas dire faux. Alors maintenant, afin de prolonger notre excursion dans le grand n'importe quoi, eh bien figure-toi que pour les 10 dernières minutes de cette 3e saison, nous t'avons réservé une belle surprise puisque ce matin, ils sont là tous les deux en plateau, ils sont en direct avec nous, ils ont fait le voyage hier en bagnole depuis Grosboule-les-Bains, oui chers amis, en exclusivité mondiale à 11h44, Monique et Jean-Claude sont là devant Xavier Mauduit et moi-même, standing ovation please. Voilà, alors après 3 saisons passées à raconter vos conneries, vous êtes là tous les deux ce matin, Monique et Jean-Claude, c'est un grand honneur pour nous. Bonjour et bienvenue tout d'abord à Monique. Bonjour Philippe, bonjour à la France Inter et bonjour Xavier. Bonjour Monique. Alors nous sommes en effet vraiment très heureux de vous accueillir ce matin au Mangin Palace parce que c'est un plaisir infini d'écrire chaque semaine vos histoires à deux mains avec Philippe Collin depuis 3 ans déjà. Vous êtes ravissante, Monique, et je sais que Philippe est tout émoustillé de vous recevoir ici en studio ce matin, n'est-ce pas, Philippe ? N'importe quoi. Bon, salut, Mauduit. Et bien sûr, Monique, Jean-Claude vous accompagne, donc bonjour et bienvenue, Jean-Claude. Bonjour, Philippe, bonjour à la France Inter, et bonjour, Xavier. Bonjour, Jean-Claude, ravi de vous accueillir. Bon, avant tout, vous avez fait l'un et l'autre un long voyage hier, alors est-ce que vous avez pu dormir un peu tout de même cette nuit ? Qui répond, Jean-Claude ? Oh, ma foi, pas trop mal. Même si par 3 fois il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, boire 3 coupes d'eau tant j'étais desséché. C'est donc ça, c'est bien sûr. L'incroyable bazar dont j'ai vague mémoire à mon sommeil troublé. À mes nuits, vous pourriez accorder quelques égards, parler peu, marcher bas, sur la pointe des pieds. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà ? À défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là ! Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. Je l'ai noté, merci. J'en soupe bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. Bon, ok, vous êtes sur France Inter, Monique et Jean-Claude, mais vous n'êtes pas obligés de répondre en vert, hein ? Alors, pardon ? Oui, c'est vrai, Monique, pour Télérama, ça le fait. Mais on n'a pas tout le temps non plus. Alors justement, Monique, j'aimerais que vous nous précisiez la raison de votre présence parmi nous ce matin. En effet, il faut raconter que lundi dernier, vous nous avez appelés tous les deux lorsque vous avez appris qu'il s'agissait de la dernière émission de la saison, car vous vouliez faire une mise au point sur certaines choses qui ont été racontées ici sur votre vie à Grosboule-les-Bains, n'est-ce pas ? Et oui, Jean-Claude, vous voulez déjà réagir ? Heureusement que c'est la dernière, parce que je commence à avoir plein le cul. Sans déconner. Oui, bon, bah ça va, les Jean-Claude, sans nous, vous ne seriez pas célèbres, hein. Faudrait pas l'oublier, ça. Bon, bref, donc, vous vouliez notamment rectifier l'un et l'autre certaines choses que nous avons rapportées sur ce village dans lequel vous vous êtes installé l'automne dernier, à savoir Grosboule. Vous nous reprochez notamment d'avoir raconté un peu n'importe quoi. Alors, pour vous, Jean-Claude, justement, comment définiriez-vous Grosboule-les-Bains ? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. D'accord, d'accord. Enfin, en gros, c'est quand même n'importe quoi, ce village. Ensuite, Jean-Claude, si j'ai bien compris, vous nous accusez, Mauduit et moi-même, de vous avoir taxé de lâcheté pendant la campagne des municipales à Grosboule en mars dernier, où vous n'avez pas réellement pris part à la vie politique locale. Bon, alors qu'est-ce que vous souhaiteriez y répondre, Jean-Claude ? Moi, on m'a vraiment supplié, mais vraiment supplié de me présenter aux municipales. J'ai toujours refusé. Pourquoi ? Pour avoir la paix ? Pas seulement. Non, sincèrement, pas seulement. Parce que je ne suis pas un enfant du pays. Parce que les gens qui sont nés ici ont plus de droits que moi de s'occuper des affaires de leur commune. Je ne serai pas élu. J'ai horreur de la politique. Je ne me présenterai jamais. Si quelqu'un se présente dans ma famille, ce ne sera pas moi. Qui ? Votre femme ? Non. Ma fille. C'est une petite plaisanterie, mais je trouve qu'elle a la tête politique. Très bien. Donc pour vous, Jean-Claude, à Grosboule-les-Bains, Elsa, votre fille, ce serait un peu comme Jean Sarkozy à Neuilly-sur-Seine, non ? Et là, tu crois que je vais rester sans rien dire ? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi ? Oui, ok. Là, vous avez raison, Jean-Claude. Monique acquiesce, d'ailleurs. En effet, il n'y a qu'à Neuilly que peut s'installer une monarchie élective au cœur de la République. Une absurdité. Enfin bref, revenons plutôt à ce que vous venez de nous déclarer, Jean-Claude. Elsa pourrait, selon vous, devenir un jour maire de Grosboule. Donc, autrement dit, vous envisagez sérieusement, Jean-Claude, que la femme puisse être l'avenir de l'homme ? Les dames et les femmes et les jeunes filles n'ont absolument ou presque aucun talent artistique et créatif. Donc, je les déconseille de faire quoi que ce soit dans le domaine de la peinture, de la sculpture. À la rigueur, ils peuvent écrire, peut-être, mais toujours des choses de troisième ordre. Et alors, ce qu'ils peuvent le plus faire, que je recommande, c'est d'accentuer leur pouvoir crétinisateur, qui est leur propre force vis-à-vis des hommes. Aïe. Là, vous tirez la tronche, Monique. Hein. Vous ne semblez pas être raccord avec Jean-Claude, non ? Être femme, c'est être née avec un sexe féminin. Être femme, c'est vivre dans un corps de femme. Même si j'ai du mal à me trouver, à me définir dans une société d'hommes. Non, et non, je ne suis pas un homme sans queue ni tête. Messieurs les pères, les maris, les amants, les patrons, les mecs et les copains. Nous, les femmes, on a pris en main notre évolution. Et si vous avez encore besoin de femmes et d'amour, c'est vous qui allez être obligé de changer vos habitudes et quelques-uns de vos goûts. Là, Jean-Claude, vous ricanez aux propos de Monique. Pourquoi donc ? Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI. Je suis un machistador. Je crois qu'elle m'adore. Macho, machistador, macho, macho. Bon ben, je crois qu'on va vous laisser vous expliquer entre vous, Monique et Jean-Claude, hein, et décidément, même ici, vous ne changez pas. Toujours des chamailleries. Enfin, avant de vous libérer, j'aimerais tout de même recueillir vos sentiments, Jean-Claude, sur ces trois saisons passées ici le dimanche entre midi moins le quart et midi sur France Inter. Qu'est-ce que vous en diriez, Jean-Claude ? Voilà, je crois que je vous ai tout dit, à quelques petites choses près. Et c'était quand même une belle histoire, vous trouvez pas ? Moi, en tout cas, je m'en suis payé une bonne tranche. Pas tout le temps, bien sûr. Et après tout, je me dis que ça doit être comme ça que la comédie humaine se perpétue éternellement, de génération en génération. toujours plus à l'ouest. Par-delà les dunes du temps et les montagnes. Oh, ça y est. V'là que je m'égare encore. Bon, j'espère que vous vous êtes bien amusés. T'as un séjour ici ou là? Eh ben, dès le premier week-end de septembre, Jean-Claude, flanqué de Monique, vous reprenez du service. Cette fois, chaque dimanche en direct de Gros Boule, vous commenterez pour nous l'actualité de la semaine. Tout un programme. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de cette visite et passez un excellent été. Oui, oui, Jean-Claude, vous souhaitiez profiter d'être au micro pour passer à un message personnel. Alors, on vous écoute. Il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. Mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. Solitude. Je l'appelle et ma voix tombe dans le vent. Elle est dans mon sommeil comme une fleur, un soleil sans soleil et sans chaleur. Belinda, c'est la donzelle que traquait Claude François en 1972. Sache que s'ils se sont perdus de vue, c'est parce que Claude, paraît-il, tel Magritte, lui aurait déclaré furax « Ceci n'est pas une pipe, Belinda ». Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre célébration du grand n'importe nawak. Des élucubrations d'Antonin Artaud à la limbido des Shadocks, du gang des nains à Jean-Claude Amangin, et de la quatrième dimension dans laquelle nous vivons, à la septième compagnie dans laquelle un petit bain pour le chef, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement foutraque et complètement insensé de ce que peut être l'absurdité. Pour finir, quelques mots, chers amis. Dans quelques instants, nous achèverons la troisième saison de Panique et je tenais au nom de toute l'équipe à vous remercier 1000 fois pour votre fidélité qui fut grandissante tout au long de ces 3 années. Et si nous sommes toujours là, c'est en partie grâce à vous, vraiment. Alors, sachez que dans sa version actuelle, Panique au Mangin Palace va cesser d'exister ce matin, de par notre seule volonté. Mais dès le premier week-end de septembre, même heure, même endroit, nous revenons sous une forme rénovée, toujours dans le même esprit, avec pas mal de surprises et plus que jamais. Nous aurons besoin de votre présence, nous comptons sur vous. D'ici là, pour nous, c'est pur bonheur. Vive les vacances, les souris dansent et ça balance et ça romance. Vive les vacances, c'est notre enfance, l'adolescence, la renaissance. C'était Gérard Lenormand, le cantateur chevelu. Voilà, fin du 126e épisode et surtout fin de la saison 3. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi l'absurde, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. Alors désormais, que va-t-il se passer? Eh bien, dès dimanche prochain, nous entamons une série de rediffusions pour l'été. Même heure, même endroit pour le best-of de l'année. Et nous débuterons avec un programme tout à fait dans l'air du temps, puisque nous avons choisi Tuer Feignasse, une promesse. Voilà, Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, pour ton talent et ta complicité sans faille. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, le maestro. Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Dimitri Gronoff et d'Éric Mainviel. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Juste un clin d'œil à toute la technique de l'année parce qu'ils sont formidables. Voilà, pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Cyril Baer ainsi qu'à Victoire Fauche, nos deux stagiaires, mais également à l'ensemble des stagiaires de l'année qui sont tous avec nous ce matin. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin. Merci beaucoup Thierry, lui aussi présent ce matin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayer pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dès dimanche prochain à 11h pour amorcer les best-of de l'été. Et nous, nous vous retrouvons en direct avec un immense plaisir le premier week-end de septembre pour une saison 4 rénovée. Mais en attendant, bien sûr, et plus que jamais, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.